des années à travailler pour mériter de me reposer. Je suis démarié, je l'ai largué. À trop bosser, je me suis cassé sans m'expliquer. Je vais m'amuser. Machine à laver, congélateur, la vidéo, wifi, télé. Moi comme un con, j'ai tout laqué. J'ai tout signé, j'ai bien gardé, je me suis barré sans rien emmener. Parti prendre le vent et rien faire de mon temps. Je la laisse à Fernand. Labourer dans le champ et vous prenez ça comme vous voulez. Je suis délesté bien des années. Laisser me les briser toute la journée. Je peux l'entendre se lamenter parce que j'aimais nous aglaer. C'est fait sauter. Je suis pas le curé. Je suis parti pour le vent. Faire de mon temps, je la laisse à Fernand. Labourer dans le champ, et vous prenez ça comme vous voulez. Oh oui, je suis délesté bien des années. Travailler pour mériter de me reposer. Je suis démarié, je l'ai largué. À trop bosser, je me suis cassé sans m'expliquer. Je vais m'amuser. Je suis parti pour le vent. Faire mon temps, je la laisse à Fernand. Labourer dans le champ, et vous prenez ça comme vous voulez. Oh oui, labourer dans le champ.